J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, mais aussi à tous ceux qui ont un jour rêvé de trouver un trésor, d'étudier de vieilles cartes ou des parchemins millénaires, comme Indiana Jones, cette chronique est faite pour vous. Aujourd'hui, dans J'aime pas l'histoire, nous allons parler archives, départementales, municipales et bien d'autres encore. Pour écrire l'histoire, pour l'expliquer, il faut des sources. Parmi celles-ci, il existe ce que l'on appelle les archives. Derrière ce mot se cachent des trésors, mais une grande variété de trésors. Un texte émanant de Charlemagne, une charte médiévale mentionnant la création de Nancy, des registres d'état civil, des testaments, des inventaires après décès, des cahiers de doléances, des cartes, des affiches, et bien plus encore. Un trésor, oui, c'est le mot. Les archives recèlent des trésors pour l'historien, mais aussi pour le généalogiste, et pas seulement. Pour tous les curieux, petits et grands, qui se posent des questions, qui cherchent et qui trouveront. Oui, un trésor n'est pas toujours indiqué par une croix sur une carte. Il peut aussi se dissimuler dans les feuillets d'une liasse de l'époque moderne. Le mot « archive » correspond à l'ensemble des documents concernant l'histoire d'une collectivité, d'une famille ou d'un individu, et au lieu où ces archives sont déposées. Il existe ce que l'on appelle des archives dites « publiques » et des archives privées. En France, les services d'archives publiques sont répartis sur l'ensemble des territoires. Archives nationales, régionales, départementales, communales. Archives du ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, du ministère des Armées et de nombreux organismes publics. Les archives nationales sont constituées de trois services à compétence nationale. Le premier, les archives nationales, est généraliste et regroupe les sites de Paris, Fontainebleau et Pierrefitte-sur-Seine. Les deux autres sont spécialisés et décentralisés. Les archives nationales d'outre-mer, installées à Aix-en-Provence, et les archives nationales du monde du travail à Roubaix. Les collectivités et les groupements de collectivités sont propriétaires de leurs archives, dont ils assurent eux-mêmes la conservation et la mise en valeur. La loi française prévoit aussi que les archives anciennes des communes de moins de 2000 habitants doivent être déposées aux archives départementales. Les archives privées, en règle générale, relèvent de la responsabilité de leurs propriétaires. Toutefois, certaines d'entre elles, qui présentent un intérêt pour l'histoire, peuvent soit faire l'objet d'un classement en mesure historique, soit être acquises par un service d'archives publiques lorsqu'elles sont mises en vente. Mais revenons à nos trésors. Où les trouver à Nancy? Commençons d'abord par le plus accessible, aux 3 rue Henri Bazin. Vous trouverez les archives municipales. Les archives départementales, quant à elles, sont pour le moment moins accessibles en raison du déménagement sur leur nouveau site, de la rue de la Monnaie au nouveau site des anciens bâtiments de l'IUFM, le long des voies ferrées, le centre des mémoires. C'est pourquoi les salles de lecture sont fermées au public jusqu'au 28 juin 2019. Mais ne vous inquiétez pas, plusieurs documents sont consultables en ligne à l'adresse suivante. http://archive.meurthe-et-moselle.fr. Dans une prochaine chronique de J'aime pas l'histoire, je vous expliquerai comment vous repérer dans l'immensité documentaire des archives afin de trouver les trésors que vous cherchez. Ah, j'allais oublier, l'accès aux archives est gratuit. Quoi? Vous n'êtes pas encore parti à la chasse aux trésors? Ne perdez plus une minute. Plongez dans les liasses et ne remontez que quand vous aurez trouvé votre trésor. J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas.